L'épître de la joie, la lettre de la joie. Paul, nous l'avions indiqué en introduction la semaine dernière, aurait toute raison de se plaindre de son sort. Il se retrouve en prison, ou du moins en situation où il n'est plus libre de ses allées et venues. Il est selon toute vraisemblance, il est à Rome, sous bonne garde. Et s'il peut recevoir des gens, s'il peut parler librement, recevoir des amis, il n'empêche qu'il est en prison, il est en détention. Et on pourrait penser qu'il se plaigne de son sort. Lui qui avait fondé l'église de Philippe, à Philippe, en Macédoine, il y a près de 30 ans, qui avait parcouru le monde de l'époque, l'Asie mineure, et qui avait été jusqu'en Europe, à Philippe d'abord, à l'appel de ce Macédonien qu'il avait vu en vision, guidé par le Seigneur. Je sais que, me connaissant, je crois que je me plaindrais beaucoup si je me retrouvais coincé en prison alors que je veux parler de l'Évangile. Mais on va voir que Paul, parce qu'il a la bonne perspective éternelle, il ne cède pas au découragement. Bien au contraire, c'est lui qui écrit cette lettre qui va être transportée par la personne qui lui a amené des nouvelles de l'église de Philippe et du soutien financier. Il va renvoyer cette lettre pour encourager les autres, ceux qui sont au dehors, qui sont libres, qui n'ont vraiment pas de raison de se plaindre de leur sort. Mais tout ça, c'est, bien sûr, c'est toujours très relatif. Est-ce que ma situation est bonne ou mauvaise? Et c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein. Est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Nous vivons dans un monde affecté par le péché, rien n'est parfait, et souvent notre joie, c'est une décision. On peut choisir de se concentrer sur les bonnes choses que Dieu nous donne, avoir un discernement pour ces bonnes choses, les reconnaître et remercier Dieu. Et si on fait ça, ça change tout. On peut avoir les meilleures situations possibles et se plaindre de notre sort. D'ailleurs, pour ça qu'il y a tant de gens riches, de gens beaux, jeunes, célèbres, qui ont des problèmes parce qu'ils veulent toujours plus, ils n'ont pas assez. Paul va nous donner une leçon de contentement, il va nous donner une leçon de joie. Il nous montre qu'en tant que chrétiens, nous n'avons vraiment pas le droit d'être triste, d'être déprimé, d'être dépressif. Et voilà, on va lire à partir du verset 12 du premier chapitre. Si vous avez besoin d'une Bible, est-ce qu'il y en a encore? Tout le monde, d'accord. S'il n'y a pas assez de Bible et que vous avez besoin de Bible, sachez que vous pouvez en acheter après le culte. Vous allez voir Anne qui est là-bas, et nous avons quelques Bibles en vente. Lisons ensemble à partir du verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. » La plupart des frères, confiant dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, pêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que cela annonce le Christ dans un esprit de rivalité, leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Cette lettre de Paul est caractérisée par un ton chaleureux, un ton d'amour, un ton de profonde affection. Et il ne prononce pas une seule fois le mot péché dans cette lettre. Il ne parle pas de ce qui fâche, on pourrait dire. Il veut encourager, il veut communiquer la joie. Et nous aussi, nous sommes invités à avoir ce genre de discours. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit hypocrite, prétendre que tout va bien. Mais encore une fois, est-ce que je pense à des choses satisfaisantes dans ma vie ou est-ce que je pense à des choses qui ne vont pas? Est-ce que je pense à des choses dont je peux me réjouir ou est-ce que je pense à des choses dont je peux me plaindre? Paul, lui, il pense à toutes les bonnes choses et il leur annonce... En fait, ce qui se passe pour moi, le fait que je sois prisonnier, c'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « ce qui m'est arrivé, je veux ». Vous qui me plaignez sans doute, qui vous dites « oh, le pauvre Paul, lui qui aimait tellement voyager, marcher partout en annonçant la bonne nouvelle, le voilà attaché à des chaînes, attaché à des gardiens. Pauvre, pauvre Paul, pauvre Paul. » Et il leur dit « ne dites pas « pauvre Paul ». Dites, Paul se régale. Paul se régale, pourquoi? Parce qu'il réalise qu'en fait, que ce qui lui arrive, ça fait avancer l'Évangile. Il dit, ça a plutôt contribué au progrès, donc à l'avancée de l'Évangile, et cela pour deux raisons. Il y a une raison, on pourrait dire interne, par lui, l'Évangile est annoncé aux gardiens des prisonniers, et puis aussi une raison externe, son exemple encourage ceux qui le connaissent à aller annoncer la bonne nouvelle. Paul fait confiance à Dieu, il ne dit pas « Dieu a fait une erreur ». Souvent, nous, c'est notre impression. On a un obstacle, on a un revers de fortune, on rate un examen, on n'est pas embauché quelque part, on pensait que c'était la solution idéale, on avait déjà tout prévu. Et puis, ça ne se passe pas selon nos plans. Et on se dit, Dieu vient de faire une erreur tragique. Dieu a dû s'assoupir, ou il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde en même temps. C'est complètement faux. Nous pouvons savoir que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 25. Je ne comprends pas, ou 28, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais je sais que je peux lui faire confiance. Et ça, c'est essentiel dans la vie du chrétien d'avoir cette assurance que ce qui m'arrive, Dieu le permet et Dieu va l'utiliser pour son bien, pour mon plus grand bien. Quelqu'un a dit, Dieu ne recherche pas notre bonheur, il recherche notre sainteté. quelque chose qui ne figure pas dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit de poursuivre la sainteté. On dit qu'on a le droit de poursuivre le bonheur. Et c'est vrai que c'est un puissant moteur dans notre vie. Mais à bien y compter, le vrai bonheur, c'est d'appartenir à Dieu, c'est de vivre selon ses préceptes, parce que lui sait toute chose. Il connaît le début de la fin. Et nous, notre bonheur, souvent, on l'imagine à travers des choses qui ne l'apportent pas. Combien de fois vous vous êtes dit « Ah, quand j'aurai cette voiture, ça va être le bonheur. Si j'avais si je pouvais avoir ce travail. Oh, on prie. Quelques années, on prie parce qu'il y a des problèmes au travail ou parce que vous n'en pouvez plus. » Et ça nous montre que notre estimation des choses, elle est loin d'être parfaite. Dieu est celui qui change aussi le mal en bien. Vous vous souvenez lorsque les frères de Joseph l'avaient vendu à une caravane en esclave, qu'il avait été abandonné de sa famille, Dieu l'avait soutenu, il lui avait permis de devenir le premier ministre en Égypte, et grâce à lui, le peuple d'Israël n'était pas mort de faim, il avait pu les sauver. Et Joseph leur dit dans Genèse 50, versets 19 et 20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dieu change ce qui nous paraît être terrible, mauvais, être des tragédies, en des choses qui sont bonnes. Et ça, c'est essentiel d'en être convaincu, de le croire au fond de son être, même lorsqu'on ne le comprend pas, même lorsqu'on ne le sent pas. Ce n'est pas une question de le voir avec les yeux, c'est de le croire avec son cœur, d'avoir la foi que la parole de Dieu est véritable, elle est vraie, elle est digne de confiance. David lui-même disait dans le psaume 138, « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi, lui qui était un homme selon le cœur de Dieu. » Est-ce que vous avez cette confiance en Dieu? Ou est-ce que vous vous demandez des fois si ce n'est pas de votre faute, peut-être c'est votre péché qui fait que vous récoltez certaines conséquences fâcheuses, mais là aussi c'est une bonne chose pour Dieu, pour vous en fin de compte. C'est la discipline du Seigneur qui montre qu'il nous aime et qu'il a des bons plans à accomplir. Le progrès, c'est de l'évangile dont il parle, c'est comme une avance pionnière. C'était un terme qu'on utilisait lorsque les troupes avançaient et que des soldats du génie, on dirait aujourd'hui, défrichaient, faisaient tomber des arbres, construisaient des ponts. Et c'est un peu notre tâche. Nous sommes là pour défricher. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de terrains à défricher là où nous sommes. En Corée, il y en a déjà un peu moins. Mais en France, il y en a plein, plein, plein. Et notre travail, c'est d'abattre des obstacles, d'abattre les obstacles des fausses idées que les gens se font de Dieu, des fausses idées que les gens se font des gens qui aiment Dieu, et de bâtir des ponts pour pouvoir faire arriver l'évangile, l'amour de Dieu jusqu'à ces gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas été encore touchés. Paul leur dit qu'en fait, c'est vrai que dans tout le prétoire, alors qu'est-ce que c'était que le prétoire? Le prétoire, c'était à la fois au début un lieu, mais c'était aussi les troupes d'élite qui servaient le César, l'empereur romain. Et il faut savoir que dans les conditions de détention où se trouvait Paul, un garde était affecté pendant une veille de 4 heures. Il y avait quelqu'un qui était probablement attaché à lui. Il pouvait bouger un peu, mais il fallait qu'il fasse bouger le garde. Et pour Paul, c'était merveilleux. Il avait un auditoire captif. On peut penser que le soldat pensait qu'il avait le contrôle de Paul, mais en fait, Paul pouvait parler pendant 4 heures d'affilée à cet homme qui ne pouvait pas s'enfuir de lui. Et Paul, on le connaît, on sait comment il aimait parler du salut de Dieu. Il en a tellement profité que toute la garde romaine connaissait ou avait entendu parler de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils l'avaient tous accepté, mais on sait historiquement qu'il y a plein de gens qui se sont convertis, et à travers ces gens, des responsables dans l'Empire, des personnages de haut niveau, il était en fait capable, dans ces conditions, de tirer parti de cette condition et d'en profiter pour Dieu, pour l'Évangile. Encore une fois, ce qui comptait le plus dans sa vie, c'était pas son petit bonheur, son petit confort, c'était de sentir que l'Évangile avançait. Et lorsque on a partagé l'Évangile et qu'on a vu des gens réagir positivement et venir à Dieu, on sait qu'il n'y a pas de plus grande joie. On peut faire plaisir à des gens ici-bas en leur donnant des cadeaux, en les aidant matériellement, moralement. Mais lorsqu'on conduit une personne au Seigneur, c'est pour l'éternité. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a pas de plus grande joie. Et Paul, il dit non seulement à cause de ces circonstances, moi j'ai pu partager l'Évangile, mais le fait que je sois emprisonné, ça a donné le courage à certains de, eux aussi, parler de Dieu à leur entourage, à leurs voisins, à leurs parents, à leurs collègues de travail, à leurs amis à l'école, à la faculté de Philippe, un programme de communication et de langage de l'université de Philippe. Vous ne connaissez pas, moi non plus, mais il devait y avoir des étudiants là-bas aussi. Et c'est vrai que souvent, on a honte de l'Évangile. Quand on est nouveau croyant, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Des fois, on est gêné de faire savoir aux autres qu'on est chrétien, parce qu'on a peur qu'ils nous déconsidèrent. Et certains vont le faire. « Ah, mais je croyais que tu étais un type intelligent, Marc. C'est pas vrai, tu connais ces gens-là qui font le stand et tu es d'accord avec ce qu'ils disent. C'est de la folie. » Je me souviens de cet étudiant qui était passé, qui était revenu sur ses pas et qui disait « Vous croyez encore à ces choses-là ?» Et je dis « Mais bien sûr, pourquoi on n'y croirait pas? Ce sont des choses, des vérités éternelles. » Et le gars avait dit, en secouant la tête, « Bande d'imbéciles, bande d'imbéciles. » Et c'est vrai qu'on n'aime pas se faire traiter d'imbéciles. Quelque part, on a tous son amour propre et on a peur que si on s'annonce comme un disciple de Jésus-Christ, on va passer pour quelqu'un d'arriéré, quelqu'un qui est un peu juste au niveau intellectuel, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est des personnes qui ont besoin d'être elles aussi délivrées des fausses croyances qui nous entourent. Il se réjouit donc de voir que, parce qu'il est en prison, parce qu'il est dans les chaînes, d'autres personnes s'en prennent du courage, se disent après tout, si lui qui est en prison, il parle de l'Évangile, moi qui suis libre, comment ça se fait que je n'ai pas le courage? Et on sait que souvent, les persécutions fortifient l'Église. On l'a vu en URSS. Amen, Nathan. On le voit en Chine, ou en Corée du Nord, où les Coréens du Sud sont fidèles pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque les gens doivent compter le coup, leur foi, elle devient une foi qu'ils partagent. Si ça ne nous coûte pas, ça n'a pas beaucoup de valeur pour nous. Et trop souvent, quand il est facile de venir à l'Église, de venir partager la foi, elle perd de sa force dans nos vies. Alors, il nous dit que certains prêchaient le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. De quoi s'agit-il ? C'est un peu déconcertant de penser que certains prêchent le Christ par envie et rivalité. On peut penser qu'il y avait des croyants qui était jaloux de la notoriété de Paul, des fruits de son ministère. On a dit la semaine dernière que partout où il passait, c'était soit le réveil, soit la révolution. Il était toujours prêt à prendre des risques pour sa foi et les gens réagissaient. Il y avait toujours une réaction, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Et de ce fait, il produisait beaucoup de fruits, l'Esprit Saint produisait beaucoup de fruits, il avait implanté beaucoup d'églises. Et certains autres, même s'ils étaient animés par l'amour de Christ, il y a toujours cette part de notre vieille nature qui jalouse le succès de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans l'Église. C'est quelque chose que l'ennemi utilise pour dérouter, pour faire dérailler l'œuvre de Dieu. C'est une chose dont tout le monde est capable, malheureusement. On peut commencer à comparer la taille de l'Église, le nombre de personnes aux réunions, surtout la réunion du dimanche matin. Ça, c'est toujours la jauge. Vous avez combien de personnes le dimanche matin? Je dis, on a de la place pour 100. Ça varie. Mais c'est vrai que si on a une Église de 1000 personnes, on va jalouser la personne qui en a 1500. En Europe, une des plus grandes églises du mouvement Calvary-Chapelle se trouve à Ziegen. Et c'est une église qui peut recevoir, qui peut accueillir 750 personnes dans un beau sanctuaire. Il y a plusieurs services. C'est une grande église. Et pourtant, Nick, le pasteur, me disait que quand il y avait des pasteurs d'églises américaines qui, eux, ont souvent des congrégations de 2000, de 5000, voire plus, 10 000, 20 000 personnes, et qu'on lui demandait « Et vous avez combien de chrétiens en culte ?» Il disait « Oh, il y en a près de 1000, mais on a aussi une école biblique pour eux. » Pour se faire valoir, pour dire que on n'a peut-être pas une aussi grande église, mais on a aussi une école biblique. Et il confessait, il voyait en fait que c'était de l'orgueil, et que à bien réfléchir, si le Seigneur permet qu'il y ait ces choses, c'est simplement parce qu'il nous utilise. Nous sommes l'homme ou la femme que Dieu utilise. C'est pas parce que nous avons de nous-mêmes les qualités intrinsèques. Nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir de quelque succès spirituel, de quelque partage fructueux de l'Évangile. Et ça, tant qu'on ne l'a pas réalisé, Dieu doit nous donner des échecs, Dieu doit nous reprendre pour que ce soit à lui qu'on donne toute la gloire. À toi seul, à ton saint nom, soit toute la gloire, disait déjà David aussi. Dans les psaumes, psaume 138, 8, pardon, 100, je vous le donnerai, 118, quelque part. Et c'est 135, c'est de louer le Seigneur. L'homme, il y est pour rien. Dieu l'utilise s'il est disponible avant toute chose. Ce ne sont pas vos capacités que Dieu cherche, c'est votre disponibilité. Si vous êtes disponible, il va vous donner les qualités, il va vous faire rencontrer les gens, il va vous permettre d'être utilisé par lui. Et c'est pour ça que je me réjouis de la venue de James et Corinne. Ils sont là. Maintenant, Dieu peut les utiliser. Il y a des tas de gens qui ont des tas de dons supérieurs sans doute aux leurs, mais qui ne sont pas là. Et à l'Ariane, ils ne vont pas pouvoir être utilisés, mais maintenant, eux sont disponibles. Dieu va pouvoir continuer à leur donner des dons, à former ces dons et à les utiliser. La disponibilité. Est-ce que je suis disponible ou est-ce que je suis fixé dans mes voies, dans mes projets, les projets que je vois pour ma vie, ou est-ce que je suis prêt à la grande aventure avec Dieu? Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à votre carrière, à ce à quoi vous êtes préparé. On a besoin de chrétiens engagés, de disciples de Jésus-Christ dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans le monde de l'enseignement, de la recherche, dans le monde politique, dans le monde des médias. Poursuivez les vocations si vous sentez que c'est votre vocation, si vous sentez que c'est ce à quoi Dieu vous appelle. Une vocation, c'est un appel, c'est le vocare, la voix où vous avez été appelé. Et faites, que ce soit pour devenir musicien, professeur, il n'y a pas de saut métier, comme on disait, il n'y a pas de métier où Dieu ne puisse pas vous utiliser de vocation dans votre vie. Et une des solutions pour ne pas tomber dans cette comparaison avec les autres églises ou les autres chrétiens, c'est de remercier le Seigneur pour les dons qu'il vous a donnés et de les exercer, de les mettre en pratique et de vous contenter de voir ce qu'il fait avec vous et les dons qu'il vous a donnés. Dans l'étude du mercredi soir, nous voyons que Dieu, c'était bien sûr des passages bibliques qui sont repris, mais que si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous donner de plus grandes choses. Ça, c'est un principe qui est valable au travail. Si vous réussissez dans les premiers jobs qu'on vous donne, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes prêt à venir au milieu de la nuit s'il y a un problème dans votre programme pour le réparer, on va vous donner la responsabilité d'une équipe, et ainsi de suite. Et ça, c'est la même chose pour Dieu. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, si vous avez signé pour faire le ménage samedi, soyez fidèle. Oups, j'ai oublié. Non, si vous ne pouvez pas venir au dernier moment, appelez les responsables, trouvez quelqu'un qui peut vous remplacer. Ça, c'est un exemple, je m'en pardon d'utiliser ça, mais combien il y a de personnes qui considèrent que faire le ménage, c'est vraiment pas un ministère. Et pourtant, c'est ce qui permet d'avoir le dimanche matin un endroit propre et agréable pour ceux qui viennent. Et le Seigneur, peut-être qu'on ne sait pas que vous êtes là le samedi matin en pleine chaleur, mais le Seigneur le sait et il est satisfait de votre obéissance. Paul parle de ces gens qui le jalousent et qui veulent lui faire du tort. On peut penser que peut-être il laisse des paroles malveillantes. Oh oui, Paul, vous savez, il n'est pas très brillant. D'ailleurs, il est vraiment inutile en ce moment. Il est coincé en prison. On pense que ce n'étaient pas des faux prophètes parce qu'il se réjouit du fait qu'ils annoncent Jésus-Christ. Et on sait que Paul ne tolérait pas la fausse doctrine. C'était donc des gens qui étaient assez proches de lui du point de vue doctrine, qui croyaient dans le Seigneur Jésus, mais qui avaient un problème de jalousie humaine. Et encore une fois, une des solutions pour éviter ce problème, c'est de dire merci au Seigneur pour le don qu'il vous a confié et de l'utiliser au mieux, du mieux que vous pouvez. La véritable solution, c'est de réaliser qu'en fait, on est tous dans la même équipe. C'est vrai que lorsqu'un footballeur marque un but ou deux buts, peut-être qu'il aura une prime personnelle, mais ce qui compte, c'est que l'équipe se qualifie pour la finale, que l'équipe gagne. Et lorsqu'on voit d'autres églises avec qui on n'est peut-être pas complètement d'accord sur le style, la façon de faire, le pas assez charismatique, trop charismatique, moins charismatique, est-ce que Jésus est annoncé? Est-ce que des personnes passent des ténèbres à la lumière? Alors là, réjouissons-nous et n'ayons aucune jalousie, aucun sentiment de rivalité. Si nous en avons, et c'est souvent le cas malheureusement, parce que nous sommes des êtres humains, confessons ça comme un péché et demandons pardon à Dieu. Et s'il faut, allons dire à l'autre que nous lui avons fait du tort, peut-être en parlant mal de lui, ou en disant à d'autres, oui, eux, c'est... Et puis il y en avait d'autres, par contre, qui agissaient, qui annonçaient l'Évangile avec amour. Lorsqu'il dit que les mauvais, ceux qui annonçaient avec rivalité, pensaient ajouter quelques tribulations, c'était peut-être qu'ils pensaient que les critiques qu'ils pouvaient faire allaient faire du mal à Paul et ils avaient du ressentiment. Mais j'aime bien la réponse de Paul. Verset 18, « Qu'importe, je m'en fiche, j'en ai rien à faire, je m'en fous. » Oups, qu'est-ce que j'ai dit ? « Je m'en moque complètement et je m'en... » Il n'en a rien à faire. Il dit « Ce qui compte, c'est que Christ est annoncé. » Et ça, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Je ne veux pas que ce soit quelque chose que je dis comme ça parce que je sais que ce n'est pas bien. Et... Non, je veux vraiment que... Je veux me réjouir du succès de l'église Cornerstone, de l'église Baptiste, de l'église Fleuve d'eau vive, de l'église de Francis. Je veux que tous ensemble nous nous réjouissions parce qu'on annonce le même Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Et il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Cela tournera à mon salut. Alors vous vous dites, mais attends, il n'était pas déjà sauvé, Paul ? Je crois qu'ici, le mot qui est utilisé ne fait pas référence au salut éternel. Ce n'est pas non plus la libération de prison, parce qu'il dit qu'il est... Il risque, ou plutôt la libération, parce qu'il va peut-être être libéré ou pas, il n'en sait rien. Il est convaincu qu'il va vivre, verset 25, qu'il va pouvoir les revoir, mais ce n'est pas non plus la délivrance éternelle. Il sait que ça va bien tourner d'une façon ou d'une autre. C'est ça ce qu'il appelle son salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Le grand apôtre Paul comptait sur les prières des autres. On a dit la semaine dernière que il y avait trois clés de la joie. C'était d'abord d'arrêter de penser à soi. Deuxièmement, de penser aux autres. Et troisièmement, de prier pour les autres. Parce que quand on prie pour les autres, on est forcé de penser à eux. Et souvent, lorsque je ne connais pas très bien la vie des gens, mais que je suis amené à prier pour eux, notamment lorsqu'on leur dit au revoir, je dis, quels sont vos projets si je ne les connais pas ? On est obligé de s'intéresser aux autres pour prier. Ou alors à moi, prie pour les chrétiens de Nice. Bah, c'est un peu vague ça, et c'est vrai que si on n'a pas pris le temps, on va pas passer le temps de prier pour les détails de leur vie. On a prié sans les connaître pour James et Corinne, parce que Paul nous donnait des informations où ils ont encore besoin de soutien financier, ils ont les enfants, maintenant il faut qu'ils trouvent, etc. Donc on priait sans les connaître, mais on avait des détails, on s'imaginait, étant un peu passé par là, qu'est-ce que ça représentait que de ramener toute une famille en France. Paul dit, vos prières sont importantes, prions les uns pour les autres. Nous avons besoin de prières. Et n'ayons pas peur de noter dans le bulletin des sujets précis de prière, comme ça on peut les inclure dans le bulletin comme sujet de prière. Et pendant un mois, ça peut être dans votre Bible, on peut prier pour ces sujets. Il parle de l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est un terme intéressant, parce que historiquement, ce terme désignait les dépenses qui étaient faites par quelqu'un qui voulait aider une personne à organiser une grande fête. Il fallait, pour la grande fête, organiser... de la musique, il fallait payer le DJ, il fallait payer les petits fours, et cette personne, elle faisait l'assistance au terme utilisé, dans le sens du terme utilisé ici, et quelque part ça veut dire que Dieu nous invite à une grande fête et que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui paye tout. C'est lui qui va acheter les petits fours, c'est lui qui va faire venir la musique. Ça ne nous coûte pas tant que ça. Quand on se marie, une des grandes questions, c'est qui va payer tous les frais ? Nos jeunes fiancés doivent déjà se faire du souci. Ils ont exprimé le désir de se marier ici même, dans l'église. Et on est très bénis par cette idée qu'ils se marient ici. Mais c'est vrai qu'ils vont avoir des dépenses. Kate et Noah, qui vont se marier à Anoth, sont en train de travailler dur pour pouvoir participer aux dépenses. Et là, la parole nous dit que c'est l'Esprit-Saint qui prépare la fête. Il nous demande simplement d'être disponible, d'être à l'œuvre pour partager la bonne nouvelle. Paul fait confiance à Dieu. Il dit « De toute façon, je sais que quelles que soient les conditions, si je meurs, Dieu sera exalté. On dira « Voilà quelqu'un qui a été prêt à mourir pour sa foi ». Sa foi doit être digne d'écoute. S'il a été jusqu'au bout ainsi, je veux savoir pourquoi il l'a fait. Et puis, s'il vit, eh bien, tant mieux, parce que ce sera une réponse à des prières pour ceux qui ont prié pour sa vie. Et puis là, verset 21, il a une phrase qui est vraiment la clé de l'existence de Paul. Il dit littéralement, pour moi, vivre Christ et mourir gain. Donc on peaufine un peu, on dit pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Qu'est-ce que c'est qu'un gain ? Un gain d'argent, c'est davantage de la même chose, davantage d'argent. Un gain de notoriété, c'est davantage de notoriété. Un gain de Christ, c'est davantage de Christ dans ma vie, dans mon existence. Paul, on l'a chanté tout à l'heure, pour lui, le centre de son existence, c'est Christ. Et en conséquence, mourir, c'est être en présence de Christ, donc c'est avoir davantage de Christ, c'est un gain. Et la question que nous, on doit se poser, c'est pour moi, vivre quoi ? Pour moi, la vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui compte dans ma vie ? Pour moi, vivre, c'est l'argent. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est l'argent. Ça devient une addiction. Bill Gates a enfin pris sa retraite parce que peut-être il a estimé qu'avec sa fondation, je ne sais pas, ou ses actions, il allait devenir encore plus riche. Mais ça fait bien longtemps qu'il aurait pu s'arrêter et avoir autant d'argent qu'on en aura tous ensemble dans toute notre vie. Mais pour lui, vivre, c'était, peut-être que ça a changé, je ne veux pas mettre de parole, mais si on dit pour moi vivre, c'est l'argent, la triste chose, c'est que mourir, c'est tout laisser derrière. C'est pas un gain. On peut avoir plus d'argent quand on meurt. Si pour moi vivre, c'est d'être célèbre, mourir, c'est d'être oublié. De temps en temps, il y a des programmes un peu nostalgiques sur la télé, là, quand ils montent les lettres INA, Institut National de l'Audiovisuel, c'est les archives. Et on voit des gens que plus personne ne connaît. Mes enfants disent, qui c'est ça ? Ah ben ça, c'est Brigitte Bardot. Qui c'était ? Ah, c'était l'actrice la plus célèbre en France. Elle était aussi populaire que le général de Gaulle. Et la plupart d'entre vous la connaissez même pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore morte, mais elle a été déjà oubliée. Si vous dites, pour moi, vivre, c'est le pouvoir. Alors mourir, c'est de devenir complètement impotent. Je peux avoir dirigé les hommes à la baguette au moindre geste de mes yeux, avoir condamné des gens, mais Hitler, maintenant, il ne fait plus peur à personne. Pourtant, il en avait du pouvoir. Il n'a pas eu de gain de pouvoir. Si on dit, pour moi, vivre, c'est d'être beau, comme Brad Pitt ou comme Angelina. Alors, mourir, c'est devenir un hideux squelette, mangé par les vers ou transformé en poudre. Et je vous laisse compléter. Pour moi, vivre, c'est quoi? C'est le savoir, d'accumuler les diplômes, de faire non seulement un doctorat en économie, mais un doctorat en sciences politiques, faire l'ENA, faire... Quand je meurs, tout mon savoir s'évapore. Si pour moi vivre, c'est avoir beaucoup de choses, partir, mourir, c'est les laisser toutes. Mourir ne peut être un gain que si votre vie, c'est Christ. Amen. C'est tout bête. C'est la logique. Des fois, les gens pensent, oh, la religion, c'est mystérieux, c'est mystique. Non, la foi en Christ, c'est la logique même. Vous pouvez parler à vos camarades dans les cours de maths, de physique, qui se croient très intellectuels, qui sont peut-être très intellectuels. La logique la foi n'a pas à avoir peur de la logique. Vous dites à vos amis, la vie c'est quoi pour toi? Quand tu vas mourir, il n'y aura plus rien. Moi je crois que Jésus m'attend. Quand je meurs, youpi! Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, en tant que chrétien, on n'a pas peur de la mort, de l'état de mort, mais mourir c'est jamais drôle, je crois. C'est Woody Allen, le grand humoriste, qui disait... Je ne veux pas être là quand je vais mourir. Malheureusement, on passe par sans doute des moments de grande peur, mais encore une fois, le chrétien n'a pas à avoir peur de la mort. Si Christ est votre vie, alors la mort, c'est un gain. Et on pourrait prêcher tout un sermon d'évangélisation avec ce verset. Gardez-le en tête. Demandez aux gens qui se moquent de vous parce que vous donnez tellement d'importance à Jésus-Christ dans votre vie. Paul nous parle de son dilemme. Il se dit, est-ce que c'est utile que je reste vivant dans la chair? Moi, je préférerais partir. Je préférerais larguer les amarres, je préférerais me retrouver... avec Dieu. Le terme qu'il utilise pour partir, pour s'en aller, c'est le terme, verset 23, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » C'est le terme de quelqu'un qui démonte sa tente. C'est le terme pour partir dans la randonnée, faire la deuxième étape, la troisième. C'est le terme des marins qui détachent les amarres pour reprendre le voyage. Il veut continuer le voyage et arriver à bon port. Et il se sent pressé des deux côtés. D'un côté, il veut partir et être avec Christ et ne plus avoir à lutter contre l'incroyance, contre les forces d'en haut qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, les diables et ses mignons. Il veut, quelque part, il aspire au repos et à la présence d'être en présence de Jésus-Christ. Mais il a tellement le souci des autres qu'il dit peut-être que c'est mieux que je sois encore là pour vous aider à grandir dans la foi, pour vous aider à connaître la vérité. Il préférait mourir et être avec Jésus-Christ, mais il réalise que quelque part c'est un peu égoïste. Lui était prêt déjà à mourir et aller en enfer pour gagner des âmes à Christ. Ça, c'est dans Romains 9, 13. Il était prêt à mourir pour les Juifs. Et il nous montre son amour, sa passion des autres, de les toucher avec la vérité. Est-ce que c'est ce qui m'anime? Au passage, c'est une lettre encore de réconfort, d'encouragement. Mais on peut voir un point de théologie que quand il s'en va, il est aussitôt avec Christ. Ce n'est pas de rester des centaines d'années ou des milliers d'années dans une espèce de sommeil de l'âme. Il dit, si je suis mort, je suis avec Christ. Et ça, c'est aussi un grand réconfort, je crois, pour le chrétien, de savoir qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de purgatoire, où on moisit pendant des années jusqu'à ce qu'on ait assez dit de messe, payer assez d'argent pour que nous donner le petit coup de boost pour nous faire passer du purgatoire au paradis. Non, le purgatoire, ce n'est pas une doctrine biblique. Être mort pour le chrétien, c'est se retrouver immédiatement avec Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous réjouir lorsqu'on pense justement à, on vient de célébrer l'anniversaire de la mort tragique de Béranger. On est toujours dans la tristesse pour ses proches, pour sa famille, pour ceux à qui il manque, pour ceux d'entre nous à qui il est, pour qui on pense à Landry, on pense à ses amis proches, on pense à soi-même, il nous manque, on est triste pour ça. On pense à sa famille qui le pleure encore, qui doit sentir la douleur aiguë, il n'est plus là, ce sourire, cette joie lumineuse qu'il était, son enthousiasme, on ne le verra plus de ce côté de l'éternité. Mais ne nous faisons pas de soucis pour lui. Il n'est pas Burun, Burun, Bura, comment c'est ça hein? Au Burundi, Bujumbura, voilà. Il est avec Christ. Son corps est peut-être à Bujumbura, mais lui, il est parti, ça fait un an. Paul consent par esprit de service, de sacrifice, à rester pour « il est plus nécessaire que je demeure dans la chair ». Et il dit « j'en suis persuadé, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus ». Il a confiance qu'il reverra ses chers amis, frères et sœurs de l'église de Philippe. Il est intéressant de voir que cette épître de la joie, c'est une épître de la joie parce qu'elle est centrée autour de Jésus-Christ et de la proclamation de Jésus-Christ, autour de la proclamation de l'Évangile. Depuis le premier chapitre, depuis le début du premier chapitre, verset 5, il a parlé de la part que vous prenez à l'Évangile. Verset 7, il est dans ses chaînes pour la défense et l'affermissement de l'Évangile. Verset 14, il a des frères qui ont plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de l'Évangile. Verset 15, il y en a d'autres qui prêchent le Christ. Verset 16, il est établi pour la défense de l'Évangile. C'est le mot apologie pour expliquer que c'est pas si fou de croire à Jésus-Christ et à sa résurrection, son amour pour nous. Verset 17, il parle de ceux qui annoncent le Christ. Verset 18, Christ est annoncé. Tout dans sa vie, sa priorité, c'est parce qu'il a Jésus-Christ au centre de sa vie, il veut le faire connaître. Et c'est ça vraiment le secret de la joie de Paul, ce qu'il veut communiquer aux autres. La joie, je ne peux pas l'attendre dans mes circonstances. J'aurai des moments de joie, de grand bonheur, mais nous sommes dans un monde qui est entaché par le péché. Il y a toujours la maladie, il y a toujours la mort, il y a toujours le chagrin, il y a toujours les trahisons, il y a toujours les envies, il y a toujours le péché. Et donc ma joie, si je la fonde sur des circonstances favorables, je vais courir autour d'elle sans jamais l'attraper. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Le bonheur est dans le pré. Ça, c'était Prévert, je crois, hein, qui... Il le sentait déjà. Le bonheur, c'est la chose la plus illusoire qui soit. Quand on croit l'avoir attrapé, on s'aperçoit en ouvrant la main qu'il n'est plus là. Par contre, si Christ est en moi, qu'il déborde et que je parle de lui autour de moi, alors là, j'ai une joie que personne ne peut me prendre. Même pas la prison, même pas la mort, même pas les circonstances les plus terribles. Le secret du bonheur. Dire aux autres qu'on a rencontré Jésus. Amen.